Bonjour les amis, vous êtes bien sur Bifri Production. Ce soir, on oublie tout. On oublie le Covid, on oublie le confinement, le couvre-feu, l'ignoble Zigomar, BFM et Pujadas. Et on découvre de nouvelles voix singulières. On se laisse glisser dans son fauteuil, c'est doux, c'est agréable, c'est comme à la radio. Ce sera tout à fait. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. C'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Thank you. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. C'était bien sûr Brigitte Fontaine et l'Art Ensemble of Chicago dans Comme à la radio. Ce disque, produit par le label Sarava, a vu le jour en 1970 suite à une série de concerts donnés au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. Et à cette occasion, Brigitte Fontaine avait recruté les Kékés, c'est elle qui le dit, de l'Art Ensemble of Chicago, qui se composait à l'époque de Lester Bowie, Joseph Jarman, Roscoe et Mitchell et Malachi Favors. Et signalons que le trompettiste Wadada Leo Smith participa lui aussi à cette séance d'enregistrement. C'est au début des années 80 que l'on a découvert la chanteuse Ako au sein du groupe pop nippon expérimental After Dinner. Alors nous avons eu la chance, nous, de l'écouter à de nombreuses reprises dans le Sud, et notamment grâce au Festival Mimi, au Festival Gare aux Oreilles. Et surtout, je me souviens d'un magnifique concert donné dans le cadre du Café Julien Marseille, en compagnie du violoncelliste Sakamoto Hiromichi. On les écoute tous les deux dans Ash in the Rainbow. Tsukamoto shitemo Autre chanteuse entendue régulièrement grâce au festival Mimi, voici la tchèque Iva Bitova qui enchante nos cœurs et nos âmes depuis une trentaine d'années. On se réveille doucement avec Morning Song. Těch má kloto, C'était la violoniste et chanteuse Iva Bitova et le batteur Pavel Fast, ici exceptionnellement à la guitare. C'était Morning Song, cet extrait de l'indispensable documentaire Step Across the Border de Nicolas Hanberg et Werner Penzel, qui vous permettra de découvrir toute la scène underground du New York des années 80. On ne pouvait pas continuer cette sélection des voix singulières sans évoquer la grande, que dis-je, la grande, l'immense Meredith Monk. Meredith Monk est compositrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste, actrice, danseuse, chorégraphe, et elle sera récompensée en 2014 par la Médaille nationale des arts par le président Obama lui-même. En 1981, elle enregistre pour le label ECM le disque Dolmen Music, qui est sans doute l'un de ses plus beaux albums, et on va écouter Gotham le Labyrinthe. La la la la, na na na na na na. Annette Peacock, qui fut mariée un temps avec le contrebassiste Gary Peacock et dont elle garda le nom, fut l'amie intime d'Albert Ayler. Elle fut, avec le pianiste Paul Bley, l'une des toutes premières utilisatrices des synthétiseurs. Puis, elle collabora avec Dali, avec Brian Eno et même avec Karlheinz Stockhausen. Une vie bien remplie, mais de trop peu d'enregistrements. En 2000, elle signe son comeback discographique avec On Acrobat's Earth pour le label ECM. Voici Annette Peacock, piano-voix dans You Slide. Your ego may go alone. You slide till one gray day inside. A voice may say, coward's way to go. I robbed and cheated myself of love I needed. I was not brave enough to know, brave enough to show or keep a lover's promise, a mother's kiss. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents ou des grands-parents communistes. Eh bien, moi si. Tout de suite après la gentille montagne de Jean Farah qu'il fallait chanter à tous les Noëls, il y avait la révolutionnaire Colette Mani. On retrouve Colette Mani dans Babylone USA. Elle est aux côtés de quelques pionniers de la free music française. François Tusk, bien sûr, Bep Guérin, Bernard Vité. Voici Babylone USA. Prison de Saint-Quentin. George Jackson assassiné d'une balle dans le dos par ses gardiens. Massacre d'Attica. 85% de Noirs et Portoricains. Mutinerie, contestation du système pénitentiaire de racisme et d'oppression. Babylone USA. Anki. C'est supposé être le cri du cochon. Pauvre pays. Pour une panthère noire, qu'est-ce qu'un cochon? Un flic plus un flic plus un flic plus un flic. En coquiner avec les cons du Ku Klux Klan. Les sados fascistes, les fachos sadiques. Super Big Nixon, Mickey Mouse, Reagan, les James Bond portent un couteau dans leurs bottes, tous les exploiteurs. Half the big, Hank, Babylon, USA. Et puis les Uncle Tom, ceux qui par le vin, par l'été, par chaud de couteau, parce qu'ils basculent les femmes se croient libres. Ce ne sont que des crabes. Faudra les laisser bouillir un peu plus longtemps dans la marmite de la pression. Bien à point, ils comprendront. Babylone, USA. Anch, anch. Joyeuse rencontre avec un pig. Cette marxiste, cette fasciste. Qu'est-ce que vous faites avec ce fusil? J'utilise mon fusil pour le faire respecter. Babylone USA. Partout le claquement du fouet de l'oppresseur se fait entendre. Panthère noire présent. Half the pig. Babylone USA. La Bible s'est pas dépassée. Corruption décadence à l'ordre du jour aux USA. Babylone moro. Québec sévit depuis plusieurs décennies un collectif d'improvisatrices et d'improvisateurs ainsi qu'un label de disques nommé Dame Ambiance Magnétique. Parmi eux, les fondateurs de ce collectif, Madame Joanne Etu et Jean de Rome. Joanne Etu, voix et saxophone alto, Jean de Rome, saxophone alto. Le titre de cette improvisation se nomme « Nous perçons les oreilles ». Voilà. On vous aura prévenu. Ah. Yeah. Bien que née aux États-Unis, la chanteuse Lauren Newton a eu une carrière avant tout européenne, une carrière bien remplie. Le choix pour écouter un de ses enregistrements a été assez cornélien. Alors on va ici la retrouver. C'est un duo historique qui regroupe Lauren Newton et Joël Léandre. Voici Face It. C'était Joël Léandre à la contrebasse et Lauren Newton au chant tourmenté. Et le tout était extrait de Face It. C'est un disque Léo Records enregistré le 28 avril 2005 pendant l'Europa Jazz Festival du Mans, alors en pleine ferveur. Vraiment, c'était un très très beau festival. Voilà, il est temps de nous quitter. C'est avec Pascal Labbé qui va nous accompagner jusqu'à notre prochaine visite. Pascal Labbé chant et Jean Morière à la flûte. On écoute La Buissonne, le temps de vous souhaiter une bonne soirée et de vous dire à tout bientôt, les amis de Bifri. Oh,